Chapitre 34e, l'ami secret. Pendant que ces événements se déroulaient à Orléans et au château de Briailles, d'un autre côté, à Paris, M. Laurent voyait avec terreur arriver l'échéance fatale du premier billet qu'il ne pouvait payer, et qui portait l'endos du maire d'Itonville, la fausse signature du terrible M. Billemont. M. Laurent voyait s'avancer trop hâtive vers lui l'heure de la ruine et du déshonneur. Quand il revint de l'Aigle, après la visite de son beau-père, sa femme n'eut pas besoin de lui poser de questions. Elle comprit tout de suite à son air déconfit, navré, qu'il avait, comme elle le redoutait, échoué dans sa pénible démarche. « Parbleu !» lui dit seulement M. Laurent. « Cet homme a un caillou à la place du cœur. » Mme Laurent connaissait la rancune implacable de son père. Elle savait que jamais il ne pardonnerait à M. Laurent la façon dont il était entré de force dans sa famille. En laissant son mari aller tenter d'attendrir son beau-père, elle ne conservait que peu d'espoir. Même après la lettre, après l'exposition de la situation désespérée, l'annonce certaine de la ruine, son père ne céderait pas. Elle en avait la conviction. Elle n'eut par conséquent aucune désillusion. Elle n'en ressentit que plus de chagrin quand elle apprit l'échec du voyage. « Il a refusé, » dit-elle seulement. « Il n'a pas voulu te recevoir. »« Il m'a reçu très gentiment, au contraire. Il m'a bien écouté, mais il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire pour moi, qu'il n'avait nullement l'envie de payer mes dettes. Il m'a déclaré qu'il valait mieux, puisque j'étais perdu, lâcher tout dès maintenant et sauter sans plus traîner, ce qui n'avançait à rien. Et moi, dans ce désastre, il n'a pas pensé à sa fille. Ou si, il prétend que tu dois suivre le mari que tu as choisi contre son gré. Et si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à divorcer. Divorcer quand tu es malheureux. Toi, divorcé ou veuve? Veuve? Oui, veuve. Il te recevra à bras ouverts. Il refera ta vie, assurera ton bonheur. Mais c'est épouvantable ce que tu m'apprends là. Voilà le résultat de notre entretien. Quant au reste, ton père a été charmant. Il t'a bien reçu? Oui. Il m'a fait manger une soupe aux choux avec du vrai chou, du vrai lard, comme on n'en mange pas à Paris. Il m'a donné un verre de sa vieille eau-de-vie des grands jours. Il est allé se coucher tranquillement. Voilà. Madame Laurent demeura perplexe, songeuse. Elle essuya deux larmes qui coulaient lentement de ses yeux. « Tu ne crois pas, » dit-elle à son mari, « tu ne crois pas un seul instant que je me rende aux idées de mon père, que je puisse écouter ses conseils. Divorcer, t'abandonner, je ne le pense pas. Ou alors, ma chère Octavie, tu serais bien changée. Je connais ton cœur, bon, affectueux, je suis sûr de toi. Oh, tu peux l'être entièrement. C'est au moment du malheur qu'on reconnaît ceux qui vous aiment réellement, et moi, « je t'aime sincèrement, profondément. Aujourd'hui, comme au premier jour de notre amour, je t'ai voulu. Je suis devenue ta femme parce que je t'aimais. Je te suivrai partout et je serai auprès de toi toujours parce que je t'aime. » « Ma femme, ma chère femme, hélas, ton amour qui me comble de joie ravive mon chagrin, car par ma faute, à cause de moi, tu vas être bien malheureuse. Jamais avec toi, jamais à tes côtés. » Peut-être pour toi vaudrait-il mieux suivre le conseil de ton père et divorcer. Peux-tu dire cela? Vois dans quel abîme je vais t'entraîner. Qu'importe, c'est la ruine. Eh bien, nous sommes jeunes, nous sommes courageux, nous recommencerons notre existence. Tout cela parce que je n'ai pas voulu me contenter du simple bonheur que j'avais sous la main, parce que j'ai voulu gagner de l'argent, beaucoup d'argent, encore plus d'argent, pour te faire riche, très riche, pour que tu sois la plus heureuse des femmes, comme tu es la plus aimée. « Mon cher ami, courage, tu verras, nous pourrons refaire notre vie. Impossible maintenant. Pourquoi? Le temps nous manque. C'est dans quelques jours qu'échoua le premier billet portant la signature de ton père. Je ne pourrai pas le payer. » Madame Laurent résolument répondit, « Tranquillise-toi, nous le paierons. » « Comment? Ton père seul pouvait nous sauver, il a refusé. Tante Mélie nous reste. » Monsieur Laurent secoua la tête d'un air de doute. « Tante Mélie, elle refusera aussi. J'en fais mon affaire. » Je me charge de la faire céder. Pauvre ami, tu échoueras comme moi auprès de ton père. Ce n'est pas la même chose. Mon père ne peut te pardonner le passé. Tante Mélie n'a pas ce grief contre nous. Elle m'aime beaucoup. Je suis sa filleule. Je t'assure que Tante Mélie cédera. Tu verras. Je t'ai promis d'aller la voir. J'irai. Voyage inutile. Non, j'irai. Enfin, tu me parais avoir une telle assurance que tu finis par me donner confiance. C'est certain. Qu'en penses-tu aller chez Tante Mélie? Puisque c'est urgent, je partirai demain. Demain? Veux-tu que je t'accompagne? Oh non! s'écria vivement Madame Laurent. « Non, laisse-moi aller seule. D'ailleurs, toi, tu dois rester ici. Ta présence au bureau est indispensable. Et il vaut mieux que je sois seule avec tante Mélie. Fais comme tu voudras. » Le lendemain, M. Laurent reprenait avec sa femme le chemin de la gare Montparnasse. Seulement, cette fois, c'était Madame Laurent qui montait dans le wagon, et lui qui restait sur le quai. Le train partit, emportant dans le compartiment voisin de celui de Madame Laurent deux voyageurs dont l'un nous est connu et que dès maintenant, sans attendre qu'il accroche ses souliers à la porte de sa chambre d'hôtel pour se faire reconnaître, nous nommerons tout bonnement l'amorce. À l'aigle, Madame Laurent prit une voiture pour se faire conduire chez tante Mélie. Elle se fit arrêter à la poste et, ayant sur sa figure abaissée sa voilette de voyage très épaisse, elle lança deux télégrammes. L'un disait à son mari qu'elle était parfaitement arrivée. L'autre, adressé à Ville-d'Avray, disait « Attendez-moi demain, 5 heures. » Puis, Madame Laurent se fit emmener chez tante Mélie, qui occupait, au bout de la rue de Bécane, une ancienne maison normande dans laquelle elle vivait seule avec une vieille domestique, accumulant le produit de ses rentes et ne sortant que pour se rendre aux offices de l'église voisine. Tante Mélie était la sœur de la mère d'Octavie, mais elle était digne d'être de la famille de M. Billement. Elle lui rendit des points pour l'avarice. Sa fortune était considérable et elle vivait du produit d'un petit jardin qui s'étendait derrière sa maison, de son poulailler et des redevances en pommes de terre, en cidre, en lard que lui apportaient ses fermiers. Elle ne dépensait rien, se couchait avec le jour pour ne point allumer de chandelle et se chauffait au maigre feu de sa cuisine. Quant à ses vêtements, elle avait fait dans sa vie 3 folies pour eux. Une au mariage de sa sœur, quand elle se fit faire un costume neuf, la seconde à la première communion de sa nièce Octavie, quand elle fit arranger à la mode du jour ce costume, la troisième, quand elle fit modifier ce même costume pour le deuil de sa sœur. C'était assez, à son avis, pour la toilette. À vrai dire, connaissant sa tante, Octavie ne concevait aucun espoir de réussite, mais elle tenait à faire la démarche tout de même pour son mari. Elle sonna donc à la petite porte de la maison de tante Mélie. On mit longtemps à lui ouvrir. Et après qu'on eut tiré des verrous, défait des chaînes, rentré des loquets, fait grincer des serrures. Derrière la porte, les deux vieilles se tenaient, tante Mélie et la bonne. Encore la porte était-elle arrêtée par une dernière chaîne de sûreté. « Que demandez-vous » fit-on sans aménité, on le conçoit. « Qu'est-ce que vous voulez ?»« C'est moi, tante Mélie. »« Qui, vous ?» Octavie. Ah, Octavie, ah, c'est toi. Madame Laurent se demandait, devant le peu de joie, devant la sécheresse de cet accueil, si vraiment tante Mélie allait tirer enfin cette dernière chaîne et lui permettre de pénétrer dans la maison. De son côté, tante Mélie, sans cesse sur ses gardes, se demandait pourquoi est-elle venue? Qu'est-ce qu'elle veut? Mais elle se demandait cela sans anxiété, car elle était sûre d'elle-même, et savait que quoi que ce fût qu'on lui demanderait, elle ne donnerait rien. Enfin, elle se décida à laisser entrer sa nièce, sa filleule. Il me semble inutile de dire combien les épanchements de cœur furent restreints. « Qu'est-ce qui t'amène ?» demanda tante Mélie. « Le plaisir de vous voir. Tout bonnement. »« Tout bonnement, oui. Ah, c'est pour cela que tu fais la dépense d'un voyage de Paris à l'Aigle. »« Ça ne m'a rien coûté. Sans cela, vous pensez bien. Comment ça ne t'a rien coûté ?» Tu voyages pour rien sur les chemins de fer. Je ne voyagerai pas sans cela. Mais mon mari, qui est un gros chargeur de la compagnie, a pu obtenir 2 billets. Il m'en fait profiter et je suis venu vous embrasser. Ah, bien, bien. Combien de temps vas-tu rester? Oh, quelques minutes seulement. Je repars par le prochain train. Oui, c'est bien, dit tante Mélie, soulagée. Si j'étais installé, si je le pouvais, je t'aurais volontiers gardé jusqu'à demain, mais avec une vieille bonne, ce plaisir m'est refusé. Je ne pourrais d'ailleurs pas accepter. Les affaires de ton mari marchent? Oh, très bien, il gagne beaucoup d'argent. Est-ce qu'il le garde au moins? Il le double. Bon, parce que gagner de l'argent, c'est bien, mais le garder, c'est mieux. Alors, tu es contente? Très. Vous vous aimez toujours? Beaucoup. Pas d'enfants? Non. Tant mieux, tu sais ce qu'on dit. Les enfants, ce n'est bon qu'à hériter quand c'est petit, qu'à hériter quand c'est grand. Il y eut un silence. Madame Laurent pensa à son mari qui espérait tant de cette visite. Tante Mélie, méfiante, attendait en Normande que sa nièce, normande aussi, après tout ce papillotage, lui révéla enfin le vrai but de sa visite, car elle n'avait pas cru un mot de toute l'histoire du billet gratis. Mais Madame Laurent lui dit alors en se levant « Tante Mélie, je suis très contente de vous avoir vue en bonne santé. Il faut maintenant que je vous dise au revoir. Bien, au revoir, Octavie. » Elle accompagna sa nièce jusqu'à la porte. « Je t'aurais bien offert quelque chose, mais je n'ai rien ici que du mauvais cidre. Et maintenant que tu es parisienne, tu n'aimes plus ça. Je n'ai besoin de rien, ma tante, merci. J'aurais été contente aussi de te donner comme autrefois un petit souvenir, pour t'acheter quelque chose, pour un objet de toilette. Mais j'attends les fermages qui ne sont pas rentrés. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de moi. Ton mari gagne de l'argent, il le double. Allons, au revoir, au revoir. » Et avec la même effusion qu'à son arrivée, elle congédia sa nièce. Madame Laurent sortira. Elle avait le cœur gros et faisait tous ses efforts pour ne pas éclater en sanglots. Il était trop tard pour prendre le train. Il n'y en avait plus que fort avant, dans la nuit, et Madame Laurent avait dit à son mari qu'elle couchera à l'Aigle pour ne pas se fatiguer. Elle descendit donc à l'hôtel du Grand Aigle et y passa la nuit. Au matin, elle se rendit au bureau de poste et télégraphia à son mari. « Vue tante, réussite inespérée, contente, rentrerait 11 heures ce soir. » Puis, vers 1 heure, elle prenait le train. Elle descendit sur le quai de Versailles à quelques minutes près de 4 heures. De Versailles, elle se fit conduire en voiture à Ville-d'Avray et alla sonner à la grille d'une jolie villa pimpante et gaie dans un encadrement exquis de vieux arbres et de plantes fleuries. De Fox-Terrier, à son coup de cloche, accoururent, aboyant à pleine gorge, et quand ils la virent, joyeux, fous, se tortillant, remuant leurs petits bouts de queue, sautant après elle, cherchant ses caresses, ils lui dirent à leur façon le plus affectueux bonjour. « Bonjour, bonjour !» redisait Madame Laurent, caressant les fox. « Oui, oui, c'est bien, beau Tintin, Plime, c'est bien, vous êtes de bons toutous !» Un valet de pied était venu au-devant d'elle. Il l'accompagna jusqu'à la villa, pendant que les chiens couraient comme des fous de la jeune femme à la maison. Sur le perron de la villa se tenait, debout, mais appuyé à une grosse canne de malade, un homme jeune encore, au visage amaigri, émacié, fiévreux, dont le veston ouaté et fermé portait à la boutonnière le mince filet rouge de la Légion d'honneur. C'était André Girardet. À la vue de la jeune femme, la figure du jeune homme s'éclaira de bonheur. « Que c'est gentil à vous, cher ami, d'être venu voir votre malade !» Il lui prit la main, la baisa tendrement. « Rentrons, » dit Madame Laurent. « Je vous gronderai de vous être levé et d'avoir commis cette imprudence de venir jusqu'ici. » Elle lui offrit le bras. Lentement, péniblement, le malade et elle regagnèrent le salon. Sur les coussins d'un grand divan, déjà, messieurs Tintin et Plime avaient sauté, et le museau en avant attendaient, effrontés, qu'on leur demandât de vouloir bien céder la place. Madame Laurent fit asseoir André Girardet sur le grand divan, sa place habituelle. Elle l'aida à étendre ses jambes débiles et à s'appuyer au large coussin. « Que vous êtes bonne, ma chère Octavie, » dit le malade, « comme je suis heureux de vous voir. » Madame Laurent avança un petit fauteuil qui se trouvait tout près de là et s'assit en face du jeune homme. « Eh bien ?» demanda André Girardet. « Contez-moi votre voyage à l'Aigle, cette excellente tante Mélie. » La jeune femme, les larmes dans les yeux, lui fit le récit de son entretien avec la vieille avare. Elle lui dit aussi comment son père avait reçu son mari, lui fit connaître le résultat de toutes ses démarches. Elle lui révéla les fautes commises par M. Laurent, les faux qu'il a vu la faiblesse de souscrire. Enfin, sanglotant, elle lui dit son grand chagrin, son désespoir. André Girardet l'attira doucement à lui. « Vous êtes une enfant, » lui dit-il affectueusement. « Pourquoi être allé à l'Aigle ? Pour donner le change à votre mari ? Pour lui envoyer de là-bas un télégramme qui couvrirait votre venue ici ? Je le veux bien. Mais si vous m'aviez écouté déjà, vous vous seriez évité ce nouveau chagrin. Voyons, il faut sécher vos yeux. Je n'aime pas vous voir dans la peine. Je veux qu'ici vous ne m'apportiez que votre sourire. Votre mari, que je ne connais pas, est dans la gêne. Il vous adore. Je devrais être jaloux de lui, mais il vous rend heureuse. Alors j'ai grande affection pour lui. Donc, si tous ceux qu'il croyait ses amis l'abandonnent, c'est à moi qu'il n'a jamais vu et ne verra probablement jamais à le tirer d'embarras, puisque c'est le seul moyen de vous faire plaisir à vous, Octavie, que j'aime de toutes les forces, de mon malheureux cœur, de ma pauvre âme déchirée. Cher André, s'il n'était pas en ce moment question entre nous de ce maudit argent, je vous dirais aussi combien je vous aime et quelle profonde affection j'ai pour vous. Je le sais, je le sais. » Le jeune homme reprit. « Nous sommes victimes de la méchanceté et de l'hypocrisie humaine, de la perfidie mondaine. Personne ne voudra admettre que, nous aimant comme nous nous aimons, vous soyez, vous, la femme honnête et irréprochable que vous êtes, et moi, votre ami fidèle. Personne ne voudra admettre que vous veniez ici consoler par votre grâce, votre douceur, un malheureux qui souffre, et mettre sur son cœur meurtri le baume charmant de votre charité. Nous sommes forcés de cacher notre loyauté comme d'autres cachent le mal. Et alors que je ne suis que votre grand frère, nous jouons l'odieuse comédie de l'amour défendu, de l'adultère. C'est affreux, mais nous ne pouvons faire autrement. Un seul homme comprendrait cependant cela, sans doute, mais c'est précisément celui à qui il ne faut rien dire. Puis il reprit. Voyons, laissons le sentiment. Parlons affaires sérieuses. Écoutez-moi. J'ai une grosse fortune dont je ne sais que faire. Par conséquent, vous m'êtes agréable en me permettant de vous être utile. Vous êtes bon, si bon, cher André. Attendez. Vous m'avez annoncé des billets délicats. Bien. Ces billets, quand ils viendront à échéance, pour que l'irréductible maire d'Itonville n'en ait pas connaissance, vous viendrez ici la veille de l'échéance, et ce sera votre voyage chez cette bonne tante Mélie. Voilà. Comment vous remercier? Vous saurez toujours le faire mieux que je ne vous l'indiquerai. Quand ce ne serait qu'en venant voir de temps en temps votre pauvre perclus, en lui apportant le soleil de votre beauté, le rayonnement de votre sourire, en lui montrant qu'il n'est plus tout seul sur la terre, qu'une âme connaît son secret douloureux, le comprend et le console, en lui montrant que s'il a souffert à en mourir pour une femme cherche à calmer sa souffrance et parvient à le faire revivre. Puis, comme les larmes venaient à ses yeux, il prit vivement la tête de Madame Laurent qui pleurait aussi, et s'efforçant à sourire, il dit « Ne parlons plus de cela. Ne nous coupons pas l'appétit. On va nous servir, ici, et je crois qu'on nous a préparé un bon petit dîner. Vous êtes gourmande, vous le savez bien. Parbleu, vous avez tous les défauts, comme un véritable ange-femme. Si nous n'avons pas une soupe aux choux avec du vrai chou et du vrai lard, je crois que vous aurez un suprême de foie gras que vous aimez, comme on en mange rarement à Itonville. Attendez, vilaine gourmande, je sonne pour qu'on nous serve. » Tandis que Madame Laurent, sortant de Versailles dans sa voiture prise à la gare, se dirigeait vers la Villa Fleurie qui abritait cette singulière tante Mélie, une voiture prise également à la gare se dirigeait aussi du côté de Ville d'Avray. Dans cette voiture se trouvait l'amorce qui, depuis la veille, n'avait pas perdu de vue Madame Laurent. À quelques pas de la villa d'André Girardet, l'amorce fit arrêter sa voiture, paya le cocher et le renvoya. Il assista à travers la grille à l'entrée de Madame Laurent, à la fête que lui firent les Fox-Terriers, et il aperçut sur le perron de la maison le jeune homme s'appuyant une canne de malade. Il le vit embrasser la main de la visiteuse, lui prendre le bras, et avec elle pénétrer dans la villa. L'amorce se dit qu'il en savait assez, et qu'il était désormais inutile de perdre son temps ici. Tout à coup, devant lui passa à vive allure une auto qui trompetait fortement. L'amorce se gara promptement, mais bien qu'elle passât en vitesse, l'amorce eut le temps de reconnaître l'auto du comte de la Guérinière, et dans cette auto se trouvait une jeune fille blonde qui, par la glace relevée, regardait avec effarement ce qui se passait si rapidement sous ses grands yeux mauves. Cette jeune fille, l'amorce la reconnut. Il s'écria « Riri !»